Il y a un autre petit changement assez courant que quelques verbes espagnols se plaisent à faire. Ils passent de « e » à « i » au présent, au subjonctif, pour donner un ordre, au passé sans plongeoir et à la forme « être en 32 ». Vous connaissez déjà certains d'entre eux, mais voyons de nouveaux verbes pour enrichir votre vocabulaire. Avec un peu d'entraînement, ce changement de « e » à « i » va devenir automatique, c'est sûr. Quand vous le savez, s'habiller se dit « vestirse ». Pour vous en souvenir, pensez à « vêtir » et à son accent circonflexe qui évoque un ancien « s ». Le « e » de ce verbe devient « i ». On a par exemple « me visto » pour « je m'habille ». Donc, comment direz-vous « il s'habille » ? C'est ça, se visten. Et comment diriez-vous « nous nous habillons » sachant que, comme pour les autres changements de voyelles, avec « nous », rien ne se passe. On ne change pas le « e » en « i ». Donc, « nous nous habillons » se dit… Vous avez raison, on dit bien « nos vestimos ». Et pour donner un ordre à une personne que vous voyez, comment diriez-vous « ne vous habillez pas comme ça » ? No se vista así. No se vista así. Le « e » de « vestir » devient « i ». Et, pour un ordre vouvoiement, vous changez de chemin. Les terminaisons passent alors de « e » à « a ». Comment direz-vous maintenant, en utilisant « elegantemente » pour « élégamment »,« je veux que tu t'habilles élégamment ». Notez que l'on exprime ici une volonté. Quiero que te vistas elegantemente. Au subjonctif, le E de vestir devient aussi I. Et on change aussi de chemin pour les terminaisons. On passe alors de E à A. Vous auriez pu trouver vous-même élégamment. Hein? On est parti de elegante, puis on a rajouté mente, M-E-N-T-E. On obtient alors elegantemente, élégamment. Voici maintenant un autre défi, mais je vais vous aider à le relever. Si dans la construction « être en train de s'habiller », le « e » de « vestir » devient « i » comme dans « mintiendo » que nous avons vu tout à l'heure, comment diriez-vous « je suis en train de m'habiller » ? Eh oui, c'est effectivement « estoy vistiéndome » avec un accent sur le premier « e ». Et comment dites-vous ? J'étais en train de m'habiller lorsque Carmen a appelé. Estaba vistiéndome cuando Carmen llamó. Estaba vistiéndome cuando Carmen llamó. Voici une autre particularité. En espagnol, il y a deux verbes pour demander. Pedir, P-E-D-I-R, et preguntar, P-R-E-G-U-N-T-A-R. Le premier s'utilise lorsque l'on demande quelque chose, un service, etc. Preguntar s'emploie dans le sens de poser une question. Le « e » de pedir devient « i ». Donc, en utilisant ce verbe, comment diriez-vous « il était toujours en train de me demander de l'argent ». Siempre estaba pidiéndome dinero. Siempre estaba pidiéndome dinero. Ou, vous pouvez dire aussi, « siempre me estaba pidiendo dinero ». Et si « servir », S-E-R-V-I-R, est un autre verbe qui fonctionne de la même façon, et en utilisant « cena » pour « dîner hein, », pensez d'ailleurs à la scène, hein, le repas que prit Jésus-Christ avec les apôtres la veille de la Passion, comment direz-vous « j'étais en train de servir le dîner » ? Estaba sirviendo la cena. Estaba sirviendo la cena. Comme vous le savez peut-être, ici même se dit « aquí mismo ». Et je vous rappelle que, lorsque l'on donne un ordre, on utilise toujours le « i ». Donc, comment diriez-vous à une personne que vous voyez « servez le dîner ici même ». Sirva la cena aquí mismo. Sirva la cena aquí mismo. Et comment direz-vous, en utilisant le passé sans plongeoir, ils ont servi le dîner tard. Sirvieron la cena tarde. Sirvieron la cena tarde. Et en n'oubliant pas qu'avec nous, le « e » ne devient pas « i », comment direz-vous « nous avons servi le dîner tard » Utilisez le passé sans plongeoir. Servimos la cena tarde. Le dernier verbe que je vous propose maintenant vous aidera peut-être à fixer cela dans votre tête. Si « répéter » se dit « répétir », R-E-P-E-T-I-R, et que le deuxième « e » devient « i », comment direz-vous « je le répète »« ne me regardez pas comme ça ». Regarder se dit « mirar », M-I-R-A-R. Pensez au mot « mirador ». Dites maintenant, en utilisant le vouvoiement, « je le répète », »« ne me regardez pas comme ça ». Lo repito, no me mire así. Lo repito, no me mire así. Et que me dites-vous de « nous le répétons tous les jours » Pensez qu'avec « nous », il n'y a pas de changement. Lo repetimos todos los días. Lo repetimos todos los días. Traduisez-moi maintenant « je suis en train de le répéter ». Estoy repitiéndolo. Estoy repitiéndolo ou lo estoy repitiendo. Le E devient I avec la forme être en train de. Comment direz-vous au passé sans plongeoir? Ils l'ont répété. Lo repitieron. Lo repitieron. Et pour terminer, donnez cet ordre à une personne que vous voyez. Répétez-le. Repítalo. Répétalo, hein? Bien, nous avons assez répété ces exemples.